le gouvernement propose de mettre en place un panier anti-inflation pour amortir la hausse des prix sur les produits de première nécessité. Seulement voilà, dans un esprit plutôt libéral, on considère qu'il vaut mieux laisser le consommateur s'entendre sur les prix et les ventes avec les producteurs et qu'il ne faut pas que l'État intervienne dans une sorte de régulation des prix par une politique public. En fait, ça incite davantage les entreprises à innover et à investir. Le consommateur, lui, peut choisir quel type de produit il souhaite acheter et à quel prix. En fait, dans une vision libérale, c'est le marché qui est le plus à même de réguler les prix et de contrer l'inflation. Alors l'État, lui, a un véritable rôle à jouer, c'est d'avoir une politique qui ne soit pas une politique inflationniste. Seulement voilà, avec le « quoi qu'il en coûte » et les chèques carburant, chèques énergie, chèques nourriture, eh bien on va vraiment dans une politique inflationniste, la politique inverse de ce qu'il faudrait faire. L'État et la BCE, depuis plusieurs années, créent les conditions de l'inflation et ils essayent d'en combattre les effets avec des mesurer. Ce sont des véritables pompiers pyromanes. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ella. Ella dans l'os, elle sort tout juste de chez son médecin. Il l'a auscultée, il lui a fait dire 34, et oui, tout augmente. Et puis finalement, il lui a trouvé une petite bronchite. Bon, Ella sort donc de chez son médecin et elle file au supermarché pour faire ses courses hebdomadaires. Et là, elle voit comme tous les Français que les prix ont encore augmenté. La viande sur un an, c'est plus 30%. Les pâtes et l'huile, c'est plus 20%. Les œufs, c'est plus 16%. Bref, Ella voit bien que c'est de plus en plus difficile de tenir son budget. L'augmentation générale des prix, l'inflation calculée par l'INSEE, c'est plus 6% sur un an. Et Ella commence à en avoir assez. Et comme la plupart de Français, maintenant, elle est au bord de l'insurrection. Et ça, Lenny l'a très bien senti. Lenny Fian, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est ce haut fonctionnaire qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron. Et avec le gouvernement, il sent bien qu'il y a maintenant des risques d'insurrection. Quand les prix montent dans les supermarchés, les Français descendent dans la rue. Bref, Lenny s'est dit que c'était vraiment le moment d'intervenir. Lenny a eu une idée de haut fonctionnaire, c'est de créer un panier anti-inflation. En fait, il voulait sélectionner une vingtaine de produits qui sont essentiels à la vie de tous les jours des Français. Et sur cette vingtaine de produits, il voulait pouvoir mettre en place une vérification de la hausse des prix, empêcher que ces produits augmentent trop fort. Dans ces produits, il y a un peu de tout. Des produits d'hygiène pour bébés, des produits d'hygiène pour adultes, des produits frais, des pâtes, bref, une vingtaine de produits pour lesquels la grande distribution s'engagerait à vendre à quasi prix coûtant. Ce type de panier, eh bien, ça s'inspire de la politique anti-inflation grecque. Et les Grecs ont eu quelques résultats. Les prix ont baissé de 25% en quelques semaines. Il y a aussi un dispositif qui ressemble énormément à ça, le BQP, qui existe dans les dom-tom. En fait, l'idée, c'est que les produits alimentaires que l'on trouve dans les dom-tom, eh bien, ils viennent principalement de la métropole. Seulement voilà, il faut les acheminer là-bas, et puis il y a des taxes sur le fait de pouvoir importer des produits dans ces îles. Bref, les prix de ces produits alimentaires dans les dom-com étaient 15 à 30% plus chers que ce que l'on retrouve en métropole. Et du coup, le gouvernement, en 2012, a décidé d'effectuer une surveillance de ces prix. Il les a encadrés. Et l'encadrement des prix, qui ne devait durer qu'un temps limité au début, est toujours en activité aujourd'hui. Pour Lenny, c'est une des solutions que l'on pourrait suivre. Et d'après lui, ça représenterait 20 à 30 000 références dans les super ou les hypermarchés. Ce serait donc tout à fait possible de le faire. Alors aujourd'hui, les super comme les hyper font déjà des prix anti-inflation. En tout cas, c'est le marketing qu'ils mettent derrière. Ils sélectionnent certains de leurs produits, généralement de leur propre marque, et bloquent les prix pour éviter d'augmenter trop d'une manière générale. C'est déjà la concurrence, finalement, qui règle les choses. Alors, certains d'entre vous se diront peut-être, oui, elle règle les choses, mais pas suffisamment. Ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si, effectivement, dans vos supermarchés, vous avez remarqué que certains prix était bloqué, alors que d'autres continuent à s'envoler, ou si vous avez l'impression que c'est une envolée générale des prix, quels que soient les produits. Mais revenons à notre histoire. Lenny est alors allé voir un patron de supermarché pour lui demander s'il était favorable ou non à un blocage des prix, un encadrement des prix par l'État. Lenny est allé voir Henri. Henri Stourne, c'est le grand patron d'une marque de supermarché que vous connaissez tous. Henri Stourne a alors fait remarquer à Lenny qu'il ne pouvait quand même pas tout faire. Oui, parce que maintenant, les patrons de supermarchés répondent directement au gouvernement sans se soucier de prendre des gants. Dans les supermarchés, ils ont tous pris la grosse tête. Regardez, même les caissières. La caissière, vous lui demandez un sac, hop, elle peut pas s'empêcher de vous faire un autographe dessus. Bon, bref, Henri Stourne a dit à Lenny qu'il n'était pas tout à fait d'accord pour cet encadrement des prix. Il n'est pas tout à fait favorable parce qu'il fait remarquer à Lenny qu'il ne peut pas tout faire, comme je disais il y a une seconde. Lenny, alors qu'il est en train de demander aux grandes surfaces de bloquer les prix sur certains produits, eh bien, il est en train de laisser sa majorité passer une loi qui va dans le sens contraire. Je vous ai déjà parlé de cette loi sur cette chaîne, donc j'en reviens pas dans le détail, je vous mets un lien dans un coin de la vidéo pour que vous puissiez aller le voir, mais c'est une loi qui va permettre aux industriels d'imposer quasiment leur augmentation de tarifs aux grandes surfaces. Et donc Henri fait remarquer à Lenny que si les industriels lui imposent une augmentation de 15, 20, 30%, parce que c'est les chiffres dont nous parlons, jamais bloquer les prix pour les clients, parce qu'il n'aura pas la possibilité de prendre de tels pourcentages sur ses marges. Bref, Henri fait remarquer à Lenny qu'il y a là des injonctions totalement contradictoires. Et donc, après cette discussion, Lenny a changé son fusil d'épaule. Il n'y aura pas d'encadrement des prix comme l'avait pensé Lenny au début et comme ce que l'on peut voir dans les dumcom. Non. Il y aura juste une suggestion, une demande du gouvernement aux supermarchés, aux hypermarchés, bref, à la grande distribution, de faire baisser les prix sur un certain nombre de produits qui semblent essentiels aux Français, sur le fameux panier des 20 produits essentiels. Alors, je vais vous dire ce que moi, j'en pense. Je pense que ce n'est pas au gouvernement d'imposer ou de bloquer les prix. Parce que le gouvernement n'est pas apte à savoir combien doit coûter un kilo de pâte. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'avoir une politique qui permet d'éviter l'inflation. La politique, elle est d'une part la politique monétaire, mais ça c'est plutôt la Banque centrale, la BCE, qui doit mener une politique inflation. Son objectif est de 2% et aujourd'hui l'inflation en Europe est plutôt aux alentours de 10%. Et puis c'est également au gouvernement. Un gouvernement qui s'endette énormément, qui n'a pas de budget à équilibre, qui fait du quoi qu'il en coûte, qui distribue des chèques carburant, des chèques nourriture, enfin tout l'argent qu'il peut et qu'il n'a pas, eh bien c'est un gouvernement qui favorise l'inflation. Il est dans la création monétaire en faisant ce genre de choses. Et c'est ça qui crée l'inflation que nous connaissons aujourd'hui. Le gouvernement a donc le devoir d'avoir une politique non inflationniste. Et c'est d'ailleurs un rôle nettement supérieur à celui qu'il se donne aujourd'hui d'aller mettre des pansements sur les jambes de bois. Si aujourd'hui le gouvernement va voir des industriels pour leur dire « ne vendez pas votre produit plus cher que ça », eh bien tout ce qu'il va faire, c'est soit contraindre certains industriels à fermer, donc créer des pénuries, soit les empêcher d'avoir ce qu'il faut comme argent pour investir, pour améliorer leur industrie. Et ça se verra dans plusieurs années, parce que ces industriels auront tout simplement perdu beaucoup de compétitivité par rapport à leurs concurrents étrangers. Et on aura là aussi une faillite de la France qui arrivera progressivement. Ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement, lui, doit avoir une politique macro. Il doit tout simplement faire en sorte d'avoir une politique qui ne soit pas inflationniste, qui est totalement l'inverse de ce qui est fait jusqu'ici. Mais la discussion au jour le jour ou au mois le mois, il doit laisser les commerçants, enfin les producteurs, les avoir avec les consommateurs. Et c'est dans la discussion entre producteurs et consommateurs que va se faire la réalité des prix. Ils augmenteront si le gouvernement a une politique inflationniste, comme il l'a depuis de nombreuses années. À ce moment-là, la discussion entre consommateurs et producteurs ne suffira pas, les prix monteront. Mais si le gouvernement a une politique normale, c'est-à-dire qu'une politique qui n'est pas inflationniste, alors la discussion entre consommateurs et producteurs réglera la justesse des prix. Et les consommateurs, finalement, auront le dernier mot sur le prix et sur la qualité du produit qu'ils souhaitent acheter. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en fait le gouvernement n'est pas du tout dans son rôle en ce moment et qu'au lieu de s'occuper des grandes lignes, je dirais de la macro, il est complètement descendu dans le pansement, dans le petit bobo, la bobologie, en oubliant cette grande ligne? Ou est-ce que non, vous pensez que l'État doit se mêler de tout et que s'il y a une inflation forte, alors l'État doit descendre jusque dans la bobologie et finalement arriver à soigner l'inflation qu'il a lui-même créée? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, l'inflation c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais combien ça va coûter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.